Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'amitié et à son histoire. Aujourd'hui, l'amitié au régiment, l'amitié militaire, pendant et après les conflits. Après avoir évoqué les amitiés féminines et intellectuelles présentées dans le documentaire de mardi avec Mona Ozouf, Michel Perrault et Nicole Ledouarin, un documentaire qui, comme toutes les autres émissions de France Culture, peut être écouté sur notre site franceculture.fr et vous êtes nombreux à l'avoir fait et à l'avoir commenté. Puis hier, avoir parlé de l'amitié médiévale, nous allons ce matin nous poser la question de l'amitié en milieu militaire. Qu'est-ce qu'un copain de régiment? Qu'est-ce qu'un camarade de combat? Qu'est-ce qu'un ancien combattant? Et ceux qui travaillent ensemble autour de cette notion d'ancien combattant, c'est ce dont nous allons parler. Avec Perrine Kervran qui a préparé cette semaine avec nous et avec nos trois invités. Odile Roinette qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Besançon, chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po, spécialiste des sociabilités militaires. Tramor Kemener, il est à terre en histoire contemporaine à l'Université de Paris 8 et spécialiste de la guerre d'Algérie. Et Alexandre Lafont, il est docteur en histoire contemporaine et il est conseiller pour l'action pédagogique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il est auteur chez Armand Collin de « La camaraderie au front ». Bonjour Perrine Kervran. Bonjour. Bonjour à vous Tramor Kemener. Bonjour. Bonjour Alexandre Lafont. Bonjour. Et bonjour à vous Odile Roinette. Bonjour. Il faut peut-être commencer par vous cette discussion puisque tout vient peut-être, en tous les cas dans ces notions qui sont floues, qu'on va peut-être définir tout au long de cette émission, tout vient de la conscription, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'il y avait une camaraderie des armes avant la conscription et en quoi était-elle différente de celle qui s'est mise en place au 19e siècle à partir de ce moment où on a décidé de la conscription, Odile Roinette? Bien sûr, il existait une camaraderie en milieu militaire dans l'armée française et dans les armées occidentales bien avant l'instauration de la conscription. Ce qui change à partir du 19e siècle et plus encore après la guerre de 70-71, c'est évidemment la généralisation d'une expérience qui rend en quelque sorte plus commune cette possibilité en tout cas de nouer des amitiés au régiment. Et puis il y a aussi évidemment l'expérience de la guerre qui est dans le prolongement de la caserne et qui donc c'est plutôt une généralisation qu'une émergence ex abrupto, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire que le grognard de la garde impériale, eh bien, il a peut-être quelque chose à voir, contrairement à ce qu'on imagine habituellement, avec le poilu d'après 1914-1919. Bien sûr, il y a des continuités très importantes qui sont liées, je crois, à la spécificité de l'amitié et des liens qui se nouent entre hommes, en tout cas entre... Oui, là, il s'agit en milieu militaire au XIXe siècle exclusivement d'hommes donc qui sont en milieu de contraintes très très fortes et qui s'organisent, qui se structurent en petits groupes pour justement essayer de faire face à des contraintes considérables, qui sont des contraintes spatiales, qui sont des contraintes temporelles, qui sont des contraintes liées à l'apprentissage d'un métier, à la gestion d'un espace restreint. Donc toutes ces questions-là, elles sont en jeu dans l'amitié, dans la camaraderie de lit d'abord. Le premier camarade au régiment, mais c'est le cas aussi en temps de guerre, c'est celui auprès de qui on dort et auprès de qui on apprend les gestes de l'apprentissage du métier de soldat. Perrine Kervran. Oui, puis c'est aussi ce thème qu'on va développer aujourd'hui, une manière d'aborder l'histoire des représentations, puisqu'on a tous en tête, on a évoqué les grognards, on évoque donc ce qui s'est passé avant la généralisation du service militaire. On peut penser aux mousquetaires aussi, qui sont d'autres figures de la camaraderie armée d'armes. Et effectivement, on peut penser à ces thèmes qui reviennent, c'est-à-dire le rapport aux filles, la séduction, la conquête féminine, et puis la boisson, les jeux ensemble. Voilà, c'est aussi des figures qui reviennent tout le temps quand on brasse ces thématiques-là. Et donc, c'est aussi une manière de questionner les représentations qu'on a de cette camaraderie virile militaire. Bien sûr, la question des représentations des amitiés ou de l'amicalité en milieu militaire, elle a fort à faire, évidemment, avec l'histoire de la construction des représentations du masculin. Et c'est absolument certain que là, il y a vraiment une interpénétration de ces deux registres, si vous voulez, de l'imaginaire. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de voir aussi que la caserne, comme le front, comme la guerre, c'est un espace d'émancipation masculine. Mmh. Et donc de conquête ensemble, souvent à un, à deux ou à trois, peut-être parfois un petit peu plus, d'une forme de liberté, d'émancipation, de conquête aussi de la virilité. Et tout ça, ça nourrit cette amicalité. Vous êtes venu avec un texte de Maupassant que vous m'avez confié juste avant le début de cette émission, Odile Rouanet, qui s'appelle Petit Soldat, et qui montre justement des hommes qui marchent ensemble, des militaires qui marchent ensemble, et qui ensuite, une fois qu'ils ont bu ensemble, eh bien ça donne cela. Et quand ils avaient déjeuné, mangé leur pain jusqu'à la dernière miette et bu leur vin jusqu'à la dernière goutte, ils demeuraient assis dans l'herbe, côte à côte, sans rien dire, les yeux au loin, les paupières lourdes, les doigts croisés comme à la messe, leurs jambes rouges allongées à côté des coquelicots du champ, et le cuir de leurs shakos et le cuivre de leurs boutons luisaient sous le soleil ardent, faisaient s'arrêter les alouettes qui chantaient en planant sur leur tête. C'est presque une scène d'amour. Enfin, ils sont allongés dans l'herbe, côte à côte. Il y a quelque chose là de ce dont on parlait hier à propos de l'amitié médiévale, de l'homosocialité, comme on dit parfois. Il y a une dimension, je l'évoquais à l'instant, qui est liée aussi à la promiscuité physique, d'une forme d'homosensualité. Et dans ce très beau texte de Maupassant, c'est l'amitié, en même temps, justement, on parlait de représentation à l'instant, c'est une sorte de perpétuation de ce mythe de l'amitié, notamment entre deux paysans, deux bretons nostalgiques de leur Bretagne, et qui se retrouvent autour de la nourriture et autour d'un contact physique aussi, en évoquant leur Bretagne. Mais comment faire, Alexandre Lafont, pour dénouer justement ce fil d'un côté des représentations, des récits littéraires, des représentations imagées aussi de cette camaraderie militaire et la réalité de ce qui se passe sur le terrain militaire, en l'occurrence, Alexandre Lafont, c'est ce que vous avez essayé de faire dans votre livre sur la camaraderie au front. Alors, peut-être revenir un petit peu sur l'étymologie du mot camaraderie, fortement utilisé dans le discours militaire, évidemment. Le camarade, c'est celui, effectivement, qui partage la chambre. La chambre est un caméra. Et donc, il partage le quotidien des soldats qui partagent ensemble le quotidien. Ce qui change, évidemment, au XIXe siècle, c'est qu'avec la conscription, ces soldats qui, avant, étaient d'occasion ou professionnels, sont des conscrits et viennent de toutes les catégories socio-professionnelles et de toutes les régions. Donc, ce qui change aussi, c'est que camarade change de sens dans la société de l'époque, puisqu'il y a l'ambiguïté du terme camarade qui est liée aussi à l'arrivée, au développement du socialisme à la fin du 19e siècle. Exactement, qui récupère en quelque sorte le vocabulaire issu évidemment du discours militaire. Alors, pour aller au-delà des représentations, évidemment, et au moment de la Première Guerre mondiale, nous avons une source qui est importante, c'est le témoignage direct produit par les soldats, que ce soit leur carnet personnel, leur correspondance, les photographies qu'ils peuvent aussi réaliser au front et qui permettent d'approcher, on va dire, dans les pratiques, au-delà peut-être des représentations, avec toutes les nuances évidemment qu'il faut apporter à cela, la manière dont ils vivent la camaraderie, qui n'est pas toujours d'ailleurs une camaraderie positive. Quand on partage la chambrée dans le cadre de la conscription ou également l'abri dans le cadre du front, il faut savoir que c'est une, comment dirais-je, c'est imposé. C'est peut être évidemment une contrainte. Donc le texte évidemment de Maupassant doit être aussi contrebalancé par une vision qui n'était pas toujours forcément positive de la camaraderie, même si évidemment des amitiés fortes, très fortes, qui ont perduré au-delà de la guerre, ont pu se mettre en place. Odile Rouanet, sur ce point ? Alors, je crois qu'il y a effectivement une hiérarchisation aussi de ces amitiés. Il y a ces amitiés contraintes qui sont la camaraderie de lit, et puis il y a toutes les amitiés qui se reconstruisent dans l'expérience. Et en particulier les amitiés, là c'est le cas de Maupassant, elle est effectivement idéalisée, c'est ces amitiés qui sont liées au partage d'une culture commune et en particulier à retrouver ceux qui parlent la même langue au régiment, mais aussi au front. Ben, c'est la question de la nostalgie qu'on avait abordée plusieurs fois avec vous ici dans le cadre de l'histoire. C'est-à-dire la nostalgie du pays natal, la mélancolie liée à la disparition de ce pays natal. On est loin de ce pays natal, on est loin de ses amis d'origine et on essaye de faire résonner tout cela. Alexandre Lafont. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le cas de la construction ou l'élaboration de la camaraderie, notamment au front, il y a une tentative, une volonté des protagonistes, soldats, combattants, de retrouver leur pays, entre guillemets, c'est-à-dire les soldats qui viennent de la même région, du même canton, qui parlent peut-être la même langue orale, en tout cas qui ont les mêmes repères culturels au ras du quotidien. Mmh. Et cette dimension est évidemment extrêmement importante. Périne. Alors oui, et peut-être qu'il faut aussi faire la différence dès maintenant entre ces camaraderies de service militaire qui ne sont pas du tout les mêmes que les camaraderies du front. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience qui soude ou qui détruit certains liens, mais cette expérience a un rôle très fort et ne peut pas être comparée à ce qui se passe en temps de service militaire. Alors je dirais que la rupture n'est peut-être pas aussi importante que ça. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité des amitiés militaires en temps de paix et qu'on la retrouve au front également. Puisque la plupart des grands témoins, M. Lafont l'expliquait à l'instant, les grands témoins qui ont fait part, je pense à Genevoix, je pense à Marc Bloch, je pense à, par exemple, expliquent très bien que les premières amitiés ou les premiers liens très très fort qui unissent des gens, deux soldats se fondent sur la complémentarité des fonctions. Par exemple, Bloch explique très bien dans ses écrits de guerre comment il se rapproche d'un homme qui voit très très bien alors que lui au contraire a une vue relativement faible et comment cet homme en fait à plusieurs reprises lui a sauvé la vie. Alors il y a toute en même temps une idéalisation a posteriori de cette amitié d'un intellectuel. Une sorte de chimère, donc un mélange de deux personnages pour pouvoir en faire un seul, enfin pour pouvoir avancer à deux, mais avoir plus de fonctionnalité que si on était tout seul. Mais c'est une chimère opératoire, efficace et en même temps qui nourrit le mythe du rapprochement dans l'expérience des milieux sociaux. Alexandre Lafont. Alors là, tout à fait, le mythe de l'expérience commune qu'auraient connu les combattants est justement un mythe, parce qu'on se rapproche d'abord de l'identique, de celui qui se ressemble, et notamment... Ça, c'est tout le travail de Nicolas Marlot et le vôtre aussi. Exactement, au niveau des catégories socioprofessionnelles. Et pour revenir sur le passage ou les différences, la différenciation entre camaraderie de caserne et camaraderie au front, il faut savoir que les deux, le passage n'est pas étanche. Notamment, on va retrouver dans le cadre de la mobilisation d'août 1914 des camarades que l'on s'était fait à la caserne, et donc, on va reconstituer des groupes qui étaient déjà efficients avant la guerre. En temps de paix. Et qui vont évidemment servir de tampon entre le passage du temps de paix au temps de guerre. Ça, c'est évidemment important. Quand je suis parti avec ma classe pour venir y faire mes 3 ans, cousin m'a dit, il y a le fils Bidas qui va dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait ce que m'a dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Bidas est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun sa permission. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais. Attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne et les bras ballants devant les monuments. Dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le temps. Alors on parle de copains de régiment, on parle de camarades de régiment, on parle de Bidas aussi, l'ami Bidas. Il y a quelque chose à voir derrière ce terme de Bidas, dit Loinette. Mais c'est un, en fait, c'est un nom propre au départ, hein, le nom de, le nom d'un soldat, donc un nom un petit peu susceptible de, voilà, de prêter à la dérision, et qui a été, c'est un nom qui est devenu populaire dans une chanson en fait de 1913, une chanson de comique troupier. De Louis Bousquet sur une musique d'Henri Malfait, je vous cite dans Les mots du soldat. Voilà. Et en fait, ce mot, il s'est transposé en fait au langage courant. Il est devenu un synonyme du simple soldat. Dans l'entre-deux-guerres, hein, Fernandel notamment a repris cette chanson, L'ami Bidas. En 1929, c'est ce que vous racontez. Voilà, et donc c'est devenu en fait une. Enfin, c'est aussi cette transposition dans le langage commun, dans l'oralité en fait, de tous ces mots qui désignent une expérience qui se généralise et qui devient, voilà, essentielle. Alexandre Lafont, vous qui avez travaillé sur cette camaraderie de tranchée, vous nous avez bien expliqué tout à l'heure, effectivement, comme Nicolas Mariot, qu'il ne fallait pas surinterpréter, dites-vous, ces amitiés, en particulier que les classes sociales ne disparaissent pas à l'intérieur des tranchées, qu'on est plutôt, lorsqu'on est officier, ami avec des officiers, et si un capitaine à table sort une blague qui ne fait pas trop rire, eh bien, malgré cela, on va quand même garder un peu de distance par rapport à lui, même si on appartient au même corps, mais vous racontez donc effectivement à tous les niveaux, jusqu'au niveau de Louis Bartas, dont on utilise beaucoup les écrits pendant cette Première Guerre mondiale, eh bien, on reste plus ou moins entre soi, malgré justement cette idée d'une camaraderie qui serait trans-sociale. Bah, disons que la structure, la hiérarchie militaire, en plus, perpétue hein, les différenciations socio-professionnelles au moment du service militaire, mais encore plus dans la guerre avec l'apport de millions d'hommes de cette armée de conscription. Et on a parlé de Maurice Genevoix tout à l'heure. Maurice Genevoix, son camarade, c'est Porchon. Robert Porchon, c'est un identique, celui qui a les mêmes le repères culturels. Sont des professeurs de lycée les uns ou les autres. Voilà, étudiants. Avec un niveau évidemment intellectuel et scolaire important. Dans une époque où il faut le rappeler que ça n'était pas encore l'époque de l'enseignement de masse et qu'il y avait des très fortes hiérarchies à l'intérieur. Très fortes hiérarchies scolaires et donc sociales aussi par la même occasion. Et puis ensuite, Porchon et Genevoix partagent aussi la fonction hein, d'officier subalterne. Et donc ils se rapprochent aussi d'autant parce qu'ils sont seuls face à leurs hommes. Mais on va retrouver hein, ces rapprochements, évidemment, vous l'avez cité, à tous les niveaux, que ce soit chez les sous-officiers ou les soldats de la troupe. Oui, alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué, qui vous a servi de mot phare pour un colloque que vous avez organisé à Besançon, Odile Roinet, le mot de fraternité. Fraternité oui. Des tranchées, qu'est-ce que ça a à voir ? En quoi c'est différent ? Semblable, un petit pas de côté par rapport à la question de l'amitié ou par rapport à la question de copains de régiment, par exemple. Alors nous avions effectivement organisé avec mon collègue Frédéric Brahami, hein, philosophe à Besançon, un chemin autour de cette question de la fraternité depuis au moins la Révolution française et en fait même depuis l'époque antique. Et on a effectivement dans ce terme de fraternité une forme de mise en perspective idéologique aussi hein, de l'amitié et notamment pendant la Première Guerre mondiale. Les combattants, dès le conflit et surtout après coup, ont idéalisé hein, ces amitiés et ont surtout valorisé de manière considérable, hein, notamment dans le mouvement ancien combattant, la question de la fraternité de tranchée, afin de peut-être aussi de leur permettre de se présenter de manière non pas convenable, mais positive, de présenter en tout cas une forme d'expérience, de positivité de l'expérience. Mmh. Donc il y a une valorisation très importante, notamment évidemment en après France, coup, dites-vous. Après coup, après coup, dans l'entre-deux-guerres de cette fraternité de tranchée, notamment donc dans les pays qui avaient gagné la guerre et à contrario, elle n'a pas toujours été le cas, notamment un certain nombre d'écrivains ont par contre nié totalement l'existence de cette fraternité après coup. Hein, je pense à... On en reparlera, mais à Léon Werth, par exemple, qui nie complètement l'existence de toute possibilité d'amitié au front après coup. Ou bien dans Clavel Soldat et dans Clavel Soldat, c'est vraiment l'exemple même d'une négation des valeurs positives de la guerre a posteriori. Mmh. Ou Céline, bien sûr. Perrine Cameron. Oui, vous aussi, Alexandre Lafont, vous avez travaillé sur cette question de la fraternité et sur cette question de son utilisation par les anciens combattants, mais aussi finalement par les instances politiques, par les instances qui les encadrent pour justement galvaniser un peu les soldats. Effectivement, on est avec l'utilisation du terme fraternité dans le registre du discours notamment politique, et ça vaut en particulier pour la France, hein, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, qui va être effectivement mise à l'épreuve dans la guerre. Et on l'a vu avec les différenciations finalement des expériences socio-professionnelles, on va avoir effectivement après coup une recomposition de ce qui n'a pas été une réalité dans les tranchées autour de cette idée de fraternité, construite en particulier parce que le discours ancien combattant a été construit par les intellectuels qui ont pris part, hein, et qui ont évidemment été extrêmement touchés par la guerre des tranchées. Il faut savoir que, par exemple, hein, les Normaliens, les Saint-Syriens, etc., ont perdu près de la moitié. Il suffit d'aller à Normal et voilà, de voir les plaques qui sont posées. Mais ce sont eux qui ont écrit, ensuite l'histoire. Et donc, il fallait donner sens à cette expérience, d'une part. Et deuxièmement, il fallait également, dans le cadre de la France d'après-guerre, pouvoir montrer la force du monde ancien combattant. Et donc... construire un discours qui puisse être commun. Je rappelle qu'il y a 6 millions d'anciens combattants après la guerre, hein, donc qui vont se structurer pour faire valoir leurs droits, justement dans le cadre de ce discours autour du sacrifice et de cette fraternité qui a été mise à l'épreuve de la guerre. Moi j'ai fait 5 ans de marine et ça m'est arrivé au début de l'existence. Moi j'ai fait 5 ans de marine et ça me fait rêver souvent quand j'y repense. 5 ans de marine au fond d'un petit bureau donnant sur la rue Royale. 5 ans de marine à mâcher du mégot au cœur de la capitale. Je n'ai jamais pris la mer, je n'ai jamais vu les pays des affiches. Moi je suis resté pépère, navigateur des rues et rédacteur de fiches. Le samedi soir, je n'allais pas à part, mais pour les filles les moins sages, j'avais une chambre près de la gare du Nord, bonne aux amours de passage. Les tempêtes, si je ne m'abuse, je les vivais d'en haut, en dessous de la toiture. Des tornades d'autobus, des vagues de métro, des océans de voitures, des capitaines de corvettes, c'est normal, prenaient des airs de mystère. Et parfois même, quelques vieilles amirales se perdaient dans le ministère. Et le temps s'est écoulé. Charles Trenet, 5 ans de marine, 5 ans de marine qui nous introduit à une autre question. Ça n'est pas la même chose que d'être camarade au front et camarade à l'arrière pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, par exemple. Odile Nouranet, lui, il est dans un bureau. C'est un planqué, pourrait-on dire, ce Charles Trenet, tel qu'il le raconte. Et il en profite pour avoir, comme il dit, des amours de passage dans le Paris de l'époque. Ça n'est pas le Paris de la Première Guerre mondiale. Mais... Et de l'autre côté, évidemment, il y a ceux qui sont tous les jours dans les tranchées. Ça n'est pas la même chose, dit Loinet. Ah non, ça n'est pas du tout la même chose. Ce qui me paraît assez intéressant, c'est qu'effectivement, l'historiographie aussi de la Première Guerre mondiale s'est beaucoup intéressée à juste titre aux armées combattantes, à ce qui se passe sur le front, mais il y a toute une armée et tout un monde militaire de l'arrière, hein, sur lequel on travaille quand même aujourd'hui beaucoup plus, il est vrai. Et là, il y a des copains de région régiment aussi. Il y a aussi des gens qui sont dans les mêmes chambrées, qui sont dans les mêmes, mais qui ne partagent pas l'expérience du feu, par exemple. Oui, peut-être sont-ils isolés pendant la Première Guerre mondiale davantage, et peut-être se cachent-ils plus qu'autre chose. Mais ce qui est important aussi, c'est le retour, par exemple, des permissionnaires. C'est le retour de tous ces soldats qui tentent de revivre à l'arrière, et là, qui se déplacent en groupe, qui se protègent au fond, d'une certaine façon, du monde extérieur, en restant entre eux. Hein, très souvent, la plupart des témoignages que nous avons de ces soldats qui parcourent les rues, permissionnaires ou autres, ce sont des hommes groupés. Alexandre Lafont. Ouais, peut-être deux remarques par rapport à cette question-là. La première, c'est qu'il faut évidemment prendre en compte aussi l'épaisseur du temps de la guerre. Hein. L'armée de 1914 n'est pas la même que celle de 1918. On va avoir deux fois moins, par exemple, de fantassins, beaucoup plus d'artilleurs en 1918. Donc l'armée change et le nombre de soldats en particulier qui ne connaissent pas le feu directement ou qui sont éloignés du feu change également, ce nombre-là. Et donc ça va peser sur cette notion de camaraderie. Et le deuxième point, c'est cette valeur importante, ce mot important qu'on n'a pas encore utilisé, qui est le mot d'embusquer pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui. Et c'est bien pendant la Première Guerre mondiale qu'il prend un sens extrêmement important. Pourquoi ? Parce que, évidemment, cette guerre, encore une fois, met en abîme l'idée d'égalité, hein, au fond. Et en fait, dans les témoignages combattants, on montre bien que chacun est à un moment donné l'embusqué d'un autre. Mais il y a toujours derrière, évidemment, l'idée de proximité du front, mais surtout l'idée d'égalité de l'impôt du sang. Et ça, c'est éminemment important. Il me semble, à étudier pendant la Première mondiale, parce que ça en fait sa spécificité. Mmh. Tramore Kemener, vous n'êtes pas encore intervenu, vous êtes spécialiste d'une période plus tardive dans le XXe siècle, à savoir la période de la guerre d'Algérie, mais vous avez écouté avec beaucoup d'attention vos camarades de table ronde, à savoir Odile Roinette et Alexandre Lafont, qui parlent de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça vous inspire à partir de l'expérience que vous avez vous-même des archives de la guerre d'Algérie, par exemple ? Oui, on retrouve évidemment les mêmes figures. Réflexions autour d'un caractère de rite du service militaire, de la conscription, qu'on retrouve évidemment dans la guerre d'Algérie. Je rappelle quand même que c'était une guerre particulière parce que ça n'en était pas une. Donc là, de ce point de vue-là, on a bien ce caractère de service militaire qui perdure. En même temps, effectivement, il n'y a pas une séparation très nette entre le temps de guerre, on a des choses qui perdurent pendant ce temps de guerre-là, et on retrouve ces mêmes choses, également une culture particulière, si vous voulez, de la guerre. Avec un caractère, la même chose ici aussi particulier, c'est le fait que la guerre d'Algérie est une guerre sans front. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'on est partout finalement disséminé et qu'on se retrouve, les appelés du contingent se retrouvent isolés sur un territoire qui n'est pas habituel pour eux du tout, qu'on pourrait quasiment dire sur un territoire étranger. Et donc il y a un sentiment d'isolement qui est d'autant plus fort et du coup... à certains égards, une fraternité plus importante. On retrouve entre la Première Guerre mondiale également et la guerre d'Algérie certains termes qui peuvent revenir, le terme de mutinerie par exemple, ou bidas évidemment, des termes qui vont perdurer. On retrouve par contre le terme d'embusqué ne revient pas, alors qu'il pourrait très bien, parce qu'effectivement, on va dire par exemple, dans les bureaux à Alger, effectivement, se sont déplanqués, donc ce sera plutôt le terme qui va revenir. Et puis on va trouver, c'est une période aussi où tout change, la société française change et les appelés du contingent aussi changent quelque peu, on va dire. Donc on passe, il y a un vocabulaire spécifique, par exemple on passe du bidas aussi au gus. Voilà, ce sont des nouveaux termes, des termes qui vont apparaître au fur et à mesure avec évidemment un vocabulaire qui est notamment aussi fait à partir de l'arabe. Odile Roinette, sur cette remarque de distinction entre, à 50 ans de distance, entre deux conflits dans lesquels la France est impliquée, la Première Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Pour avoir lu un petit peu les différents travaux qui concernent la guerre d'Algérie, je crois qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre cette armée de l'avant Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre. Ce sont des armées de conscription et la guerre d'Algérie est le dernier grand conflit qui implique le contingent effectivement en France. Donc il y a beaucoup de points communs, il y a un vocabulaire effectivement qui se transmet dans l'expérience. Et mais une expérience guerrière qui n'est pas la même. Ça n'est pas la même chose que d'être deux ans au front, dans des tranchées, avec une expérience physique différente. Et là, dans des petites unités réparties sur des collines ou dans des fortins, à quelques-uns, et non pas à des centaines, comme c'est le cas sur le front de la Première Guerre mondiale. Ça doit être un peu différent. Oui, et puis je crois qu'il y a une différence, c'est la perception elle-même que les appelés du contingent ont de leur rôle et de la légitimité de leur présence sur le territoire. Et ça change tout, par exemple, avec la manière dont les combattants dans l'ensemble des pays belligérants ont pensé leur rapport à leur présence au front pendant la Première Guerre mondiale et même pendant la Seconde. Périne Caron. Et est-ce qu'on peut dire que ce soit par rapport à la guerre d'Algérie ou par rapport à la Première Guerre mondiale que finalement cette expérience du feu, cette expérience de commune entre ces soldats et ces camaraderies qui sont nées comme ça dans ces conditions, est-ce que ces amitiés perdurent après la guerre? Est-ce que vous avez des sources qui permettent de voir que ces liens sont des liens particulièrement forts, particulièrement solides et que ces amitiés perdurent dans le temps? Alexandre Lafont et puis Odile Rouanet. Oui, on a des sources, évidemment. On a des sources, encore une fois, privées. Épistolaires. Hein, épistolaires. Mais vous avez, par exemple, regardé les albums de photos. Vous, exactement. C'est-à-dire qu'on prend des photos sur le front, on les ramène à l'arrière. Et une fois la guerre terminée, on va les classer. Et on va mettre ses amis, ses copains de régiment dans ces albums qu'on va précieusement garder près de soi. Exactement. Alors, c'est vraiment la mise en mémoire de la guerre, mais pendant la guerre elle-même, à travers la production photographique, puisqu'il y a des combattants, je pense à Vinchon, qui est un des camarades d'André Pézard. André Pézard, un des autres grands témoins de la Première Guerre mondiale, qui a écrit « Nous autres avons quoi ?». Et il tient en fait un carnet, mais qui n'est pas un carnet écrit, c'est un carnet de petites photos. Et ces petites photos nous permettent d'étudier aujourd'hui ce que c'était que les cercles de la camaraderie. Et les camaraderies électives, les amitiés fortes qui naissent au front et qui réussissent à passer l'épreuve de la guerre, parce qu'elles sont peu nombreuses finalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle dans mon livre, dans ma thèse, de la camaraderie combattante qui va suppléer ces camaraderies électives. Elles sont souvent extrêmement fortes et on peut les suivre effectivement après-guerre, notamment parce qu'il y a des combattants qui ont à un moment donné vécu le front ensemble, se retrouvent avec leurs filles et fils qui se marient, ou les uns et les autres deviennent parrains des enfants des autres. Et on a comme ça même des albums photographiques qui durent au-delà de la guerre et dans lesquels on voit 10 à 20 ans plus tard les deux anciens combattants qui sont encore ensemble à l'occasion d'un pique-nique, d'une journée champêtre. Et voilà. Donc, oui, parce qu'il faut avoir dans ces cas-là aussi convaincu les femmes, chacun de ces combattants, convainc ces femmes que cet ami de régiment, ça vaut le coup de le voir et de continuer à le voir, y compris pour se re-raconter des souvenirs que les femmes elles-mêmes n'ont pas vécu, par exemple. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, on dépasse cette question-là. Alors, par contre, là, quelle est la place des femmes dans cet univers? Je ne l'ai pas, moi, étudié. Mais effectivement, ce serait une question intéressante. Périne Caron. Oui, et puis on peut se dire aussi que ces amitiés qui perdurent après l'expérience guerrière vécue ensemble sont utiles aussi parce que c'est une expérience qui est difficile à transmettre et à partager et qu'il faut des gens... Ou alors, est-ce que je dis n'importe quoi? Parce que je vois que vous haussez les sourcils. Non, je nuancerai cette question. C'est toujours la question de l'indicible. Hein, cette question de l'indicible qui revient comme un leitmotiv et que les combattants eux-mêmes ont fortement utilisé. Il me semble que l'indicible de l'expérience, elle ne l'est pas forcément, puisque justement, les combattants écrivent dans leur carnet, prennent des photos, donc ils disent leur expérience. Et dans le cadre des sociabilités d'après-guerre, hein, autour du monde combattant, ils vont également re-raconter la guerre. Alors, dire ils sont restés muets face à leur famille, mais je pense que dans toute autre expérience qui n'a pas été vécue par les mêmes personnes, vous allez avoir ce mouvement-là. À quoi sert de raconter une soirée auquel on a participé à son conjoint qui n'y était pas? Il va y avoir un décalage. Alors, en plus, si on parle de la guerre et des tensions qui ont pu exister pendant le conflit entre le front et l'arrière. Odile Rouanet et puis Tramorque-Meneur. Alors, je crois aussi qu'il y a une question de temporalité, c'est-à-dire que dans la guerre elle-même, et en particulier, on le voit bien pendant la Première Guerre mondiale, les combattants, par exemple, qui restent au front et dont les amis de front sont repartis à l'arrière, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils sont en convalescence ou même permissionnaires, on sent bien que ce lien qui est un lien vital au front aussi, bon, ou en tout cas pensé comme vital ou élaboré comme vital, perdure et il est alimenté. chanter. Hein, on voit très bien, par exemple, je prends l'exemple de Louis-Ferdinand Céline, hein, ancien combattant de la Première Guerre mondiale. On le voit très très bien, lui revenu à l'arrière, cherchant en permanence à retrouver des nouvelles de ses amis. Et puis il y a, qui sont toujours au front, et puis il y a ce temps de l'immédiate après-guerre, ou qui est un temps éventuellement assez fort dans la continuation, dans le fait qu'on entretient cette amicalité. Et puis en même temps, je crois que les amitiés sont aussi un facteur décisif dans les processus de démobilisation combattante ou de revendications aussi, par exemple, peut-être aussi de revendications des anciens combattants à avoir un... des droits à exister dans la société d'après-guerre. La fraternité des tranchées, c'est d'abord un thème qui surgit dans le mouvement ancien combattant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est extrêmement valorisé par là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il y a un détachement en même temps qui s'est opéré chez beaucoup d'amis, notamment d'amis du front, qui ont combattu ensemble et qui se détache volontairement. Alain le dit dans ses souvenirs de guerre, puisqu'il se réengage dans la Première Guerre mondiale, il est déjà très âgé, et il explique comment il n'a pas cherché volontairement à revoir ses amis, parce qu'il l'importait pour lui de se détacher, de se départir de tout cela. Tramorc et Meneur. Oui, le cas est un peu différent, évidemment, pour la guerre d'Algérie, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une sale guerre. Donc c'est une guerre que les combattants vont chercher à oublier assez vite. Dès qu'ils rentrent, en fait, ils cherchent à échapper à cela. C'est une guerre qu'ils ont subie plus qu'ils ne l'ont faite. Et donc on retrouve, par contre, longtemps après, c'est un long temps de maturation, où... Il y a tout de même les méchouis qu'on organise entre anciens combattants. Oui, tout à fait. D'un même canton et qui finissent par refaire des amitiés ou recréer des amitiés issues de la guerre d'Algérie. Oui, tout à fait. On a bien des associations d'anciens combattants, même spécifiques, comme la FNACA par exemple, les associations d'anciens combattants comme celle de l'UNC, de l'ARAC également. Donc on a bien ce phénomène-là qui existe, hein, qui est bien présent. Par contre, on va organiser des méchouis, mais on ne parlera pas du tout de ce que l'on a vécu. Au contraire, c'est une guerre qui est tue, qui va rester tue. Et on n'a pas besoin de se comprendre. Par contre, c'est aujourd'hui, à l'arrivée près de la mort, que après la retraite, on cherche aujourd'hui, il y a une hypermnésie par rapport à la guerre d'Algérie, et les anciens combattants cherchent au contraire à retrouver d'anciens camarades qu'ils ont perdu de vue. France Culture, la fabrique de l'histoire. Emmanuel Laurentin. 9h45 dans la Fabrique de l'Histoire, nous sommes dans un débat qui est la quatrième émission d'une série autour de l'histoire de l'amitié, un débat autour de la question de l'amitié militaire. Vous vouliez intervenir justement, Alexandre Lafont, sur ces questions d'après-guerre et de la façon dont se tisse ce souvenir de cette amitié guerrière. Je voulais prolonger en fait les remarques d'Odile Roynette sur cette question de temporalité, parce qu'effectivement je pense qu'il y a une temporalité qu'il faut prendre en compte, ça c'est évident. Il y a aussi ces cercles de camaraderie qui ont été évoqués. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, on va peut-être sans doute globalement se détacher des camarades militaires que l'on avait au front, avec qui on ne partageait pas forcément des affinités. Par contre, les amitiés qui vont se tisser, qui réussissent à passer l'épreuve de la guerre, vont rester souvent extrêmement fortes. Et puis ensuite, il y a cette sociabilité des associations d'anciens combattants. Oui. Antoine Prou a bien montré que quand on va s'inscrire à une association d'anciens combattants, on ne retrouve pas les camarades avec qui on a vécu la guerre. On crée de nouveaux camarades. Et oui, parce qu'on va, par exemple, dans l'association du quartier, et ceux de l'association du quartier, c'est à la fois des fantassins, des artilleurs qui n'ont pas forcément vécu la même chose. Ils étaient sur la Somme pendant que vous étiez à Verdun et ce n'était pas la même chose. Vous-même, vous étiez embusqué pendant que... etc., etc. Et donc, c'est une nouvelle sociabilité qui se met en place, mais qui permet, en fait, de donner sens à une expérience commune, et puis surtout de donner poids à ces anciens combattants dans la société française d'après-guerre, qui ont, vous le savez, un besoin de reconnaissance morale, notamment, extrêmement fort. Odile Roynette, tout de même, là, on est dans une société entièrement masculine. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on la décrit. La place des femmes, on évoquait tout à l'heure les épouses, par exemple, de ceux qui reviennent de la guerre et qui bon an, mal an, malgré elles, d'une certaine façon, doivent assumer ces amitiés qui sont nées au sein des régiments, au sein des casernes, au sein des tranchées. Est-ce qu'on a une petite idée de cela, ou est-ce que c'est un chantier qui mériterait d'être ouvert en tant que chantier d'histoire ? Je crois que c'est très largement un chantier qu'il serait judicieux d'explorer, parce que là, on serait vraiment dans la question du genre, hein, puisque là, on essaierait de croiser précisément le masculin et le féminin. Et c'est vrai que, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont montré cette place des femmes après coup ou a posteriori. Hein, on a beaucoup de travaux sur l'écriture féminine, par exemple, en temps de guerre. Parce que ce sont quand même les femmes qui couchent dans le même lit et qui subissent parfois les souvenirs traumatiques de certains de ces soldats. Donc elles vivent avec cette guerre bien après la fin de ces guerres. Donc elles ont sûrement des choses à raconter de cette expérience-là. Elles ont beaucoup à raconter sur l'intime de l'homme qui revient au combat. En même temps, je crois que ce qu'on évoquait à l'instant, hein, ce qu'Alexandre Lafont évoquait à l'instant sur justement la recréation, hein, le fait de reforger une forme d'amicalité dans notamment les associations d'anciens combattants, hein, qu'ils soient de la Première Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie, c'est un ailleurs où là, de fait, les hommes réexcluent les femmes. Mmh. Et par contre, j'avais été très frappée, par exemple, dans l'enquête qu'avait menée Claire Moscopo sur les appels en Algérie, de voir que lorsque l'historienne vient enquêter, hein, faire ses enquêtes orales auprès des anciens d'Algérie, la femme, très souvent, est là pour... déjà dans un premier temps, rassurer celui qui va éventuellement dire autre chose que ce qu'il dit justement avec ses copains ou ses pseudo-copains dans ses associations d'anciens combattants. Tramorque et meneur. Oui, tout à fait. C'est très, très net. Et on a en même temps toute cette mauvaise conscience qui ressurgit et effectivement qui laisse un peu aussi l'épouse en dehors de tout ça, dans un sentiment d'incompréhension. Ben, bien sûr. Elle peut participer éventuellement au repas des anciens combattants, mais effectivement, on est dans un non-dit, dans un silence qui perdure. Donc les cauchemars ne sont pas expliqués, des choses comme ça. Alors juste pour ce que je voulais souligner, par contre, par rapport à l'étude de la recherche d'Antoine Pro, c'est que aujourd'hui, ce qui facilite beaucoup par rapport aux anciens combattants, on peut retrouver les anciens combattants de son unité beaucoup plus facilement grâce à Internet. Ah oui. Et donc on a ici la mémoire qui est facilitée de ce point de vue-là, parce qu'on peut retrouver les différents membres de son régiment. Et 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie, retisser des liens qui n'ont jamais existé depuis cette fin de guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Donc avant, ça existait dans les journaux, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. Ah, tu es là, je ne t'ai pas entendu rentrer, tu te caches. Non, je me préparais seule. Je m'en vais si je dérange. Non. Ça me fait plaisir de te voir, viens t'asseoir, raconte ta vie au régiment. Oh, rien de bien excitant pour toi. Et pour toi. Oh, moi j'aime plutôt. Je vais rempiler. C'est une drôle d'idée. Mais j'ai pas de boulot. Et puis moi j'aime ça. Je te dis pas que t'as tort, mais je te comprends pas. Moi j'aime faire du sport et j'aime bien marcher. J'aime les virer le soir avec les copains. Rester au comptoir, le verre à la main. Boire la nuit entière, me saouler à la bière. Bien sûr le matin, t'es à la caserne. T'as le museau chagrin, la mine un peu terne. Mais tu t'es marré, t'as bien picolé. Voilà la vie que j'aime. Un extrait de La vie au régiment, la bande originale de Jeanne et Le garçon formidable, formidable film d'Olivier Ducastel et de Jacques Martineau, interprétation d'Élise Caron et de David Saracino. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est un film de 97 au moment où s'arrête justement la question de la conscription et qui rappelle justement ce qu'est le plaisir, en l'occurrence, de ce jeune garçon de boire des bières avec ses copains jusqu'à plus soif. Alexandre Lafont, vous vouliez intervenir avant la parution, la sortie dans cette émission de cet extrait musical. Oui, juste pour revenir sur l'extrait musical, dire que j'ai fait mon service militaire parmi les derniers, 98-08. Et je ne suis pas pour le discours disant, voilà, si on n'a pas vécu, on ne peut pas en parler. Mais quoi qu'il en soit, l'expérience de la caserne et du service militaire, je pense, a été aussi utile à l'appréhension de cet univers très masculin. Pour votre travail. Mais pour revenir sur la place des femmes, hein, pendant la Première Guerre mondiale notamment, évidemment, les femmes sont quelque part au centre de cet univers masculin, à travers des figures différentes, celle de la mère qui attend à qui, les marraines, l'infirmière, les civils qui sont là. J'ai en tête des albums, un album en particulier où il y a par exemple les femmes civiles de l'arrière qui sont prises en photo et le combattant appelle ce dossier-là l'épaule. Voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis sur le rôle des femmes et comme actrices, souvenons-nous que Blanche Maupas est institutrice et va dès la guerre elle-même essayer de réhabiliter la mémoire de son mari, des caporaux de soins, qui a été donc fusillé. Donc, il y a effectivement encore beaucoup de choses à dire, à mon avis, sur cette question de la place des femmes, comme actrices même, à côté des hommes. Est-ce qu'on peut parler aussi parfois d'une certaine ironie par rapport à ces notions de copains de régiment, d'amitié militaire ? Odile Rouanet, nous avons mis, grâce aux gens de la BDIC qui nous l'ont prêté, un dessin de Henri Camus qui est présent dans l'exposition qu'ils organisent au Musée de l'Armée à Paris, une formidable exposition qui s'appelle Vue du front, dont on reparlera dans la Fabrique de l'Histoire d'ici peu. Un dessin d'Henri Camus, et ce dessin, ça s'appelle Les copains, tout simplement. Et on voit des soldats qui transportent un mourant dans leurs bras. Ils sont deux, l'un devant, l'un derrière, et un autre est allongé avec la fumée d'une bombe qui vient d'exploser au loin, est allongé en train de faire une sorte de bras d'honneur alors qu'il est au sol. Il y a beaucoup d'ironie dans cette notion de copain, en tout cas telle qu'elle est vécue par cet Henri Camus pendant la Première Guerre mondiale. Oui, je dirais qu'il y a même l'ironie est plus large, c'est-à-dire qu'il y a une autodérision permanente propre aux combattants et aux soldats plus généralement. Et donc là, c'est une manifestation, je crois, aussi de ce mode de représentation de soi comme une autodérision. On n'est pas très loin de l'assiette au beurre, d'ailleurs, quand on regarde ce dessin, tout à fait, par exemple. Donc il y a la mise en exergue du fait que les combattants ne sont pas dupes des limites, justement, de cette fraternité qui est exaltée. Et en même temps, dans la fraternité, par exemple, il y a vraiment, en tout cas dans les témoignages qu'on a, le fait d'aller chercher précisément, par exemple, le blessé, de le ramener. Comme le montre cette caricature. Mais donc il y a un jeu constant entre l'identité et la subversion de cette image dans la caricature, justement. Tramor Camionneur. Oui, la guerre d'Algérie, ce qui est assez net aussi, c'est le fait que, par rapport à la Première Guerre mondiale, par exemple, c'est que c'est aussi une classe d'âge. Ce n'est pas simplement une guerre où tout le monde est appelé. Finalement, c'est que c'est une guerre où... Ah oui, on a le même âge. Voilà, on a le même âge. Et donc, c'est une guerre à laquelle participent des jeunes. Et cela, on va le retrouver. On va retrouver, évidemment, ce sentiment de rejet également de la guerre d'Algérie et rejet de la part des jeunes par rapport aussi, du coup, aux adultes qui ont amené les jeunes à participer à cette guerre qui n'était pas voulue. Et donc, on va retrouver des sentiments de rejet de la guerre, jusqu'à, évidemment, le manifeste des 121, par exemple, d'un point de vue intellectuel, à la fin de cette guerre d'Algérie, et qui, en même temps, montre bien, finalement, les premières failles dans le système de conscription qu'il peut y avoir. Je rappelle que le statut d'objecteur de conscience, qui est la première grande faille dans ce Louis statut... De Coin. Voilà, notamment effectivement avec l'action de Louis Lecoing à partir de 1962, la grève de la faim qu'il a effectuée. Et donc le statut a été voté en décembre 1963, mais à la suite également de tous les mouvements qui avaient pu exister pendant la guerre d'Algérie. Et donc là, on retrouve finalement à la fois des soubassements un petit peu de mai 68, dans le rejet un petit peu du système également militaire. Et évidemment dans les premières failles et donc qui vont amener progressivement à la fin de cette conscription. Odile Rouanet, c'est vraiment Le moment, près de 20 ans maintenant après la fin du service militaire, enfin une quinzaine d'années après la fin du service militaire, de revoir cela tous ensemble, travailler sur ce que cette masculinité a fait, vous le faites depuis longtemps vous-même, mais est-ce qu'il y a un gros matériau qui permettrait de travailler collectivement autour de ces questions de masculinité, rapport à la de genre aux femmes dans le cadre de la guerre ou de l'après-guerre ? Oui, il y a énormément, il y a beaucoup de choses qui ont été menées et il y a encore évidemment beaucoup à faire sur toutes ces questions. Je crois que peut-être plus généralement, l'histoire de la construction de ces identités, elle a rapport à aussi une histoire de l'intime, hein. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très très liée à l'émergence d'abord de l'intimité, hein, depuis la fin du XVIIIe siècle. Et à cette histoire de l'intime qu'on peut évidemment essayer de construire, notamment à partir de la masse des égo-documents, et notamment des égo-documents concernant les combattants. Donc les journaux intimes, les autobiographies, les mémoires, donc tout ça constitue évidemment une masse effectivement de documents qui peuvent être exploités dans une histoire des masculinités, hein, plutôt que je préfère cette expression à celle d'histoire de la virilité, hein, histoire des masculinités comme construction, hein, du rapport à soi et du rapport aux autres. Merci Odine Roynet. Je rappelle que vous êtes auteur, entre autres, de Bon pour le service, c'était il y a longtemps, aux éditions Belin, mais également des Mots du soldat, c'était toujours chez Belin. Donc on trouve effectivement l'explication de Bidas, mais de bien d'autres mots liés à ce service militaire que vous avez aussi donc publié aux presses universitaires de Franche-Comté, Fraternité, ce livre sur les fraternités des tranchées, issu de votre travail commun avec Frédéric Brahami. On peut lire de vous, Alexandre Lafont, votre livre La camaraderie au front chez Armand Collin, et de vous, Tramorque Menère, et bien des gros ouvrages sur la guerre d'Algérie, en particulier celui que vous aviez conçu pour les éditions Les Arènes, et puis également dire que vous êtes en train de préparer, c'est le 1er 2 3 décembre, un colloque sur la guerre des autres, les colonies dans la première guerre mondiale à Paris 8. C'est donc le 1er 2 3 décembre, trois journées consacrées à cette question là oui, tout à fait, avec des spécialistes du monde entier, voilà, sur une question importante, la participation des colonies. On ne la prendra pas, elle est à toi, on n'y touche pas. Ouais, les gars, me voilà bien rassuré. Ah ben ça, mon vieux, tu peux, hein. Je vous écrirai aussitôt arrivé. Écris-nous ça, tu rentreras. Gardez-la bien, soyez gentil avec elle. Et n'essayez pas de la rendre infidèle. Et on termine avec T'en fais pas, un titre de 1965, trois ans après la fin de la guerre d'Algérie. Michel Delpech qui évoquait ses amitiés avec sa fiancée et ses camarades de régiment, alors qu'il part justement au régiment. T'en fais pas, de Michel Delpech, pour terminer cette émission qui était préparée comme d'habitude par Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marseille. Élise Leu était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.